Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Coluche, l'histoire d'un mec qui se présente. Au lendemain de la mort de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, retour aujourd'hui sur la campagne présidentielle de 1981, le chant du cygne pour Giscard et la plaisanterie pour Coluche qui décide de se porter candidat à l'Élysée. Mais au fil des jours et des semaines, l'artiste et sa bande découvrent l'âpre réalité d'une campagne électorale, qui plus est la présidentielle. Quand on sait que l'incarnation du pouvoir est au moins aussi importante que le pouvoir lui-même, cette élection constitue l'acmé de la vie politique en France, avec ses crispations, ses coups bas et ses basses besognes. Et pendant ce temps, Giscard regarde passer la caravane Coluche, après avoir laissé les chiens aboyer contre les diamants de Bokassa. Giscard perd la main, l'humoriste star tente de la reprendre pour rigoler, mais vient assez vite le temps de la fatigue et des larmes pour Coluche et sa bande. Car ici, sur la scène politique, les coulisses sont beaucoup moins romantiques que celles d'un théâtre. L'aventure s'arrêtera avant même d'avoir pu aboutir. Du reste, pouvait-elle aboutir ? Notre invité aujourd'hui, Jean-Michel Vagelsi, fidèle ami de Coluche, témoin privilégié. Il vient de publier avec Alessandre Fievé le livre intitulé « Coluche, agitateur social » chez l'éditeur Grund. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire d'Adrien Carra, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous vous prenez au sérieux ? Ah ben, c'est surtout vous qui prenez ça au sérieux puisque vous m'invitez. D'ailleurs, je vous en remercie. J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie « Vive l'ampleur ! » Si les journaux en avaient pas parlé autant de ma conférence de presse d'hier, c'était pas sérieux. C'est vous qui rendez l'affaire sérieuse. Et je vous remercie encore une fois. J'espère que vous allez voter pour moi. Ça tombe très bien, je me présente pour vous. Regardez, c'est pas compliqué. Celui qui votait à droite d'habitude, pourquoi il recommencerait ? On lui a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Celui qui votait à gauche, on lui a fait gonfler des espoirs qui n'ont jamais éclaté. Et puis maintenant, il va voter pour qui ? Je propose qu'il vote pour mon cul, moi. Nous sommes au milieu de l'automne 1980. Partout à la radio, à la télé, on entend et on voit Coluche. Il est le chef de file d'une école humoristique qui s'intercale dans le temps entre le comique à la papa, jamais méchant, Jean-Fernand Reynaud, et l'humour communautaire d'aujourd'hui, genre de Gad Elmaleh. Cet humour des années 70 et 80, c'est l'humour rebelle, insolent, qui nous parle des travers de la société. Tout comme Pierre Desproges, mais dans un genre artistique différent, Coluche écorne et gratine, blesse quelquefois, mais avec un talent hors norme. Il est de ceux, si rares, dont on peut dire qu'ils ont du génie, l'étage supérieur du talent. Comédien hors pair, maniant la rupture de rythme, de ton comme personne, inventeur de formules époustouflantes, comme celle-ci. Il a un frère intelligent. Il a fait toutes les études qu'on peut faire. Il aurait pu être notaire ou des conneries comme ça. Hein. Finalement, il est ingénieur à Grenoble. Ou comme celle-là. Il paraît que Dieu tassa un mec, toi. Quand il est arrivé sur la terre, il n'y avait rien, toi. Il n'y avait rien, toi. Il n'y avait pas un troquet pour une mobilette, rien. Il avait inventé un langage que tous les lycéens et les étudiants se mettaient à employer dans leurs conversations courantes. Un mot, quelquefois. Voilà. Coluche nous faisait rire, hurler de rire. Il était aussi une conscience, on le verra plus tard, avec la création des Restos du Cœur. Mais revenons en 1980 pour notre histoire. Nous sommes au milieu de l'automne et en France, aussi étonnant que cela puisse paraître aujourd'hui quand on connaît le scénario final, ce début de campagne ne passionne pas les foules. Valéry Giscard d'Estaing est à l'Élysée, lui-même en est convaincu, il sera réélu, c'est la prime au sortant, ce que confirment les sondages d'ailleurs. À cette époque, les règles d'un deuxième tour d'une présidentielle sont connues, il y a deux candidats et à la fin, c'est celui de la droite qui gagne. C'est dans ce contexte que Coluche entre en scène. Michel Colucci, de son vrai nom, est un fils du peuple qui a beaucoup erré, occupant des petits boulots ici et là, avant de trouver son chemin, le spectacle. Dans la rue, dans les cafés-théâtres, en particulier au Café de la Gare, sous la houlette de Romain Bouteille et en compagnie de Miu Miu, de Patrick Devers, il creuse son sillon. Puis les médias lui ouvrent leurs portes, alors Coluche s'impose. À la fin des années 70, Il est l'agitateur public numéro un et rien, non rien ne semble résister à celui qu'on surnomme alors le clown de service. On le retrouve dans toute la sphère médiatique, dans la presse, fréquemment, à la télé, mais aussi et surtout à la radio, où il va co-animer pendant un an une émission sur Europe 1. Son ton sarcastique, son sens de la répartie et de la provocation font mouche. Il incarne à lui seul une époque en mal de changement après 30 ans de pouvoir de droite. À la télé, on le reconnaît facilement avec son traditionnel costume, une salopette bleue à bretelles, un t-shirt jaune, des cheveux coiffés en pétard et un gros nez rouge qu'il se maquille sur le visage. Un type simple, un monsieur tout le monde, le nez rouge en moins. Nous sommes au début de l'été 1980. Coluche a 35 ans, tous les soirs il est au théâtre du gymnase où il fait pleurer de rire. Son humour est irrésistible, attention, géant. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Non, dites-le, parce que quand les gens la connaissent, ça prend un air d'un con. Hein. Parce que... Non! Un peu les histoires... Alors, mais il parle un peu... Par exemple, là, ici. Non, c'est un exemple. Ou alors... Par exemple, parce que, si vous voulez, des fois, c'est ça, un mec comme ça, il y a un mec, tout ça, en bouche. Mais là, non. Non, là, c'est l'histoire d'un mec. Mais un mec, pas... Non, je veux un mec... Normal, quoi, je veux dire, un blanc, quoi, je veux dire, un mec... Même sans l'image, c'est irrésistible. Et malgré tout, malgré le succès, l'argent, le pouvoir, Coluche reste accessible. À quiconque voulant lui serrer la main ou échanger quelques mots, il répond oui, il ne se dérobe pas. Le fils du peuple aime le peuple qui lui le rend si bien. C'est que l'humoriste dit aussi tout haut ce que nous pensons tout bas. D'abord sur la police, qu'il n'hésite pas à montrer raciste, violente. Vous aviez demandé effectivement la présence d'un représentant des syndicats de policiers. J'avais demandé le représentant d'un policier, on m'avait dit qu'il y en avait un du syndicat qui voulait bien venir. Alors moi je m'étais intéressé à un homme du syndicat de la police, parce qu'à partir du moment où la police a des revendications à faire, je me trouve en face d'un homme qui m'intéresse, parce que moi aussi j'en ai à faire des revendications justement, à propos de la police. Vous voyez, c'est une liste, vous voyez, que je peux vous montrer. Et ça c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Donc effectivement ça m'intéresse. Vous voyez, le 7 janvier, un mort. Le 9 janvier, deux morts, un blessé. Le 9 janvier, encore, un tabassé seulement. C'était un arabe, remarqué, on peut quand même rigoler. Le 13, un mort. Un flic qui a tiré, mais c'est Ricochet et Contumace, vous savez. C'est les deux grands responsables. Ceux qui sont morts étaient peut-être pas tous non plus des gentils garçons, là. Non, mais ce que je veux dire, comme policier qui fait son devoir, tire toujours sur un arabe en tombant derrière, dans le dos. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois, ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison, moi je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison. Et bien sûr, il y a les politiques, l'autre ingrédient du malaise dans l'esprit de Coluche. Cette animosité qu'il cultive vis-à-vis du pouvoir, il la transforme en catharsis. Car déjà, à cette époque, le monde politique fait l'objet d'un sévère rejet de la part des Français. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là ? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Le pouvoir comme l'empire du mal et les affaires. Le président Giscard d'Estaing et les diamants de Bokassa ou encore la mort bien mystérieuse du ministre Robert Boulin retrouvé noyé dans un étang de Rambouillet. J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie « Vive l'ampleur ». Droite, gauche, si la France est coupée en deux, Coluche va bientôt la plier en quatre. Si les frasques du clown font rire, quelquefois décadentes, voire grossières, elles provoquent forcément la gronde du pouvoir et des cabinets politiques. Valéry Giscard d'Estaing lui-même ne supporte plus le ton sarcastique et critique de l'humoriste à son encontre. D'abord écarté d'Europe 1, Coluche est récupéré par Radio Monte Carlo, mais l'aventure sera courte, très courte. 10 jours seulement. Après avoir été engagé, il est remercié par le directeur d'antenne, Michel Bassi. 30 ans plus tard, face à la caméra du réalisateur Jean-Louis Pérez, Bassi confesse à demi-mot avoir subi des pressions de l'Élysée pour congédier Coluche. Et l'Élysée me disait, Michel, vraiment, tu as pris trop de risques avec ce type, ça passe pas. Très bien. Je dis à Coluche, venez me voir parce que vraiment, ça va pas. Il est venu et il m'a dit, bon, on vous demande que je parte. J'ai dit, ben oui, c'est la vérité. On m'a demandé, en effet, d'obtenir votre départ. Tout commence au 11 de la rue Gazan, dans le 14e arrondissement de Paris, dans une maison qui donne sur le parc Montsouris. Bienvenue chez Coluche. Voilà une semaine que l'expérience sur RMC s'est terminée, brutalement. Attablé dans le salon, il y a là le maître des lieux, Coluche, entouré de ses fidèles compagnons. Alors on parle politique, bien sûr, et on en vient à parler de la présidentielle qui arrive. Soudain, un ami de Coluche l'interpelle. Et toi alors, ne me dis pas que tu vas aller voter pour ces guignols. Coluche répond, moi, pas voter? Un peu que je vais voter. Je vote abstentionniste. Je suis le roi, je suis le président, plus je suis le candidat des abstentionnistes. Candidat, le mot est lâché. Ses amis se regardent, rigolent, débattent encore. Et de tout cela, une idée va germer. Une idée qui va permettre à Coluche de prendre la parole librement dans les médias, combattre la censure en quelque sorte. Paul Lederman, le producteur, le manager de l'artiste, lui, voit l'occasion de réussir un coup fantastique, venir troubler le jeu entre les officiels Giscard et Mitterrand. L'idée est donc là, être candidat à la présidentielle pour avoir le droit à la parole. Mais par sa seule présence, le plus populaire des comiques français veut aussi prouver que l'élection présidentielle est une farce. Toujours proche des gens, c'est à la fin d'un de ses spectacles, au théâtre du Gymnase, qu'il va simplement revêtir une veste queue de pie sur sa salopette et une écharpe tricolore. La salle rit, la musique monte, Coluche prend alors la parole. Le lendemain, la nouvelle fait le tour du pays. On ne parle que de ça. Mais est-ce du lard ou du cochon? Serait-il un gag, disons, sérieux? À ce moment précis, personne ne le sait. Quand les candidats traditionnels annoncent leur entrée en campagne, Coluche organise une conférence de presse. Nous sommes le 30 octobre 1980. Il convoque une centaine de journalistes au théâtre du Gymnase. Ils veulent leur faire part de sa plaisanterie à caractère social, histoire de libérer le peuple du giscardisme. Je suis dans le même cas que tout le monde. J'attends que la date où on doit recevoir ces 500 signatures tombe. Et à ce moment-là, je saurai en même temps que les autres si je les ai. Mais il y a beaucoup de mecs qui se présentent aujourd'hui, qui sont dans le même cas que moi, en fait, qui ne savent pas s'ils auront ces signatures. J'espère bien les avoir, parce que quand même, j'ai fait plus de galas qu'eux. Et donc, j'ai rencontré plus de maires et de conseillers généraux qu'eux. Et donc, normalement, tout devrait aller. J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie « Vive l'ampleur ». Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. En fait, les journalistes s'amusent de l'événement. Personne ne pense que tout ça ira bien loin. Quelques heures avant la conférence, Coluche et ses amis avaient même rédigé un appel à la population. Une affiche, réplique de celle de l'appel du 18 juin 40, est imprimée et diffusée dans Charlie Hebdo. On peut y lire. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Alors, sérieux ou pas? En tout cas, la suite, elle aussi, vaut le détour, avec cette tirade qui en dit long sur les événements à venir. Il n'y a pas de raison de tourner en dérision la politique, dit l'humoriste, car elle est déjà dérisoire. C'est pas sérieux. Et c'est ça qui est sérieux. Hello. J'ai accepté que Coluche passe son appel historique dans Charlie Hebdo. C'est en tant que directeur responsable d'une affaire promise à un grand avenir, peut-être. Imaginez-vous que Coluche soit élu. Deux grands journaux se mettent à sa disposition, Charlie Hebdo donc, et Libération, qui lui fournissent Tribune et Liberté pour s'exprimer tout au long de la campagne. Précisons tout de même que Coluche n'est pas le premier humoriste à tenter de se présenter à l'élection présidentielle. Quelques années avant lui, Pierre Dac s'était lancé, mais il avait dû abandonner face aux pressions venues tout droit du cabinet du général de Gaulle à l'Élysée. Politique fiction pour certains, réalité qui dépasse l'affliction pour d'autres. En tout cas, une chose est sûre, au soir du 30 octobre 1980, Coluche est là et il faudra compter avec lui. Face aux journalistes, toujours un peu incrédules, Coluche explique que son rôle est simple. Écoutez, mon parti ne m'ayant pas officiellement investi de la candidature, je ne peux pas encore répondre, vous savez ce que c'est. Mais envisageons, si vous le voulez bien, l'éventualité sur laquelle je serai candidat. De toute façon, mon programme est très très simple. Moi, je suis un candidat nul et je veux recueillir les voix des abstentionnistes. Voilà, je veux recueillir les gens, Vous ferez au moins 15%, quoi. L'âge et la possibilité de voter en France et qui d'habitude ne votent pas. Et je voudrais qu'ils montrent combien ils sont et pourquoi ils font ça, quoi. En quelque sorte. Parce qu'en fait, ils ne sont pas représentés politiquement, quoi. Ni par la droite, ni par la gauche. Et vous croyez que vous les représenterez mieux? Vous croyez qu'ils sont Non, moi j'ai pas dit que je les représenterais, j'ai dit que je leur donnais la possibilité de se compter. C'est ça le problème. Ils se comptent à chaque élection, ils n'ont pas besoin de Coluche pour ça. Non, parce que ça représente une force à partir du moment où on a voté pour un candidat. Le principe même de la Constitution 58, c'est qu'on a, on a le droit de vote principalement, hein. C'est ça le problème. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même ça le gros problème. C'est parti, ouais. Alors donc, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que si ça devient une force, c'est-à-dire que si les gens ont voté pour dire qu'ils ne voulaient pas élire un mec, à ce moment-là, ils existent en tant que force. Ils existent. Autour de l'emblématique Michel Colucci, il y a sa femme, bien sûr, Véronique, mais il y a aussi dans le premier cercle les amis de longue date qui voient en cette aventure l'occasion de bien rigoler. Parmi eux, Romain Goupil et Maurice Nadjman, les militants de la bande, qui se sont beaucoup investis pendant le mois de mai 68. Et puis Jean-Michel Wagelsli, son secrétaire et fidèle ami. Et puis Paul Lederman, son manager. Parmi les soutiens qui vont se rattacher au candidat, on retrouve des personnalités du monde du spectacle, Eddie Mitchell, Michel Sardou, mais aussi de façon étonnante, des personnalités des milieux intellectuels, comme le philosophe Gilles Deleuze ou encore le sociologue Pierre Bourdieu. C'est dire si le phénomène de la candidature de Coluche prend de l'ampleur. Chanter l'amour, la haine et des choses de ça et là. Or c'est maintenant où passait le temps. On ne deviendra jamais des superstars. Ma voix est sans issue, sans même un espoir. On ne deviendra jamais des superstars. Je resterai l'obscur qui vit dans le noir. À l'image du candidat, le programme est établi à la hâte et dans le but, comme le dit Coluche, de se foutre de la gueule du conformisme de l'État et de la bourgeoisie. Rue Gazan, chez Coluche, la petite équipe fait ce qu'elle peut pour trouver des idées les plus loufoques. Parmi elles, la fin du mariage, la fin de l'économie, mais aussi plein de nouveaux droits. 365 Noël par an, le droit de jeter des pierres aux aveugles, le droit de ne pas se laver les mains avant de toucher le pain. Bref, juste ce qui manquait pour rendre la société plus agréable à vivre et moins chiante à supporter, selon Coluche et sa bande. Pour l'appuyer, le candidat Coluche peut alors compter sur Harakiri, et donc toujours Charlie Hebdo, alors en pointe dans la contestation politique. Ces deux journaux vont jouer les porte-voix de sa candidature. La police, c'est le maire. L'armée, c'est le maire. La patrie, c'est le maire. Le capital, c'est le maire. Ça y est, il charge, dit-on. L'affrontement est là, l'affrontement existe. Je vous rappellerai à tout à l'heure. Rappelons que nous sommes ici seulement 12 ans après les événements de mai 68 et rappelons qu'au sommet de l'État, on n'avait, semble-t-il, rien vu venir. Alors l'esprit 68-art, véhiculé par la candidature de Coluche, attise les craintes dans les ministères. Pour le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Bonnet, derrière la candidature de Coluche pourrait se cacher une opération de déstabilisation du pouvoir savamment organisée par la gauche et l'extrême-gauche. Dans les bureaux du ministère de l'Intérieur, la psychose s'empare des fonctionnaires. On travaille même sur une rocambolesque hypothèse. Coluche ne serait qu'une marionnette manipulée et dirigée par des mouvements gauchistes et anarchistes dans le but de créer le chaos en France. Oui, le chaos, rien de moins. Pour une fois, l'imagination est au pouvoir. Pourtant, il ne faut pas être devin pour comprendre que Coluche n'est absolument pas un proche des communistes, de la gauche, de Georges Marchais, ni même des socialistes et de François Mitterrand, deux personnages dont il ne rate d'ailleurs jamais une occasion de se moquer. Marchais, bon, il s'est trouvé d'autant moins drôle que je suis arrivé, parce que je peux faire rire au moins autant que lui, sans me vanter. Et puis d'autre part... Il devait dire des tas de trucs, Marchais, quoi. On attendait qu'il mette un bordel noir, et puis il a rien foutu du tout. On sait qu'il y a des scandales politiques que la gauche a jamais dénoncés. Alors maintenant, bon, ben, on en a marre, quoi, je crois. Hein. Je voudrais pas dire, comme les détracteurs du Parti communiste et les anticommunistes primaires, que les Russes ne veulent pas que les communistes français prennent de l'importance. Mais quand même, depuis 30 ans qu'ils existent en France, j'ai peur qu'on soit obligé d'arriver à cette conclusion. Et si la gauche a une chance de l'emporter au second tour, vous donnerez des consignes à en quelle année, vous voulez dire? Face au danger que représente le candidat Coluche, le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, va mobiliser secrètement de grands moyens pour connaître les véritables intentions de l'humoriste. Et c'est carrément toute la direction des renseignements généraux qui est mobilisée sur ce dossier considéré comme le dossier prioritaire. Et le ministre exige des résultats. On ouvre alors un dossier. Michel Colucci, dit Coluche, numéro 817706, à archiver. Tout du passé de Coluche est étudié. Il en ressort qu'il est un indiscipliné. Il s'est par exemple absenté sans autorisation de son service militaire, aurait insulté des officiers gradés. Pour ses délits, il a déjà passé 53 jours en prison. Et ce n'est pas tout. Coluche va être surveillé 24 heures sur 24 par une unité très spéciale des renseignements généraux, les RG, préfecture de police de la ville de Paris, et plus spécialement par ceux qu'on appelle le groupe de direction. Et puis, il y a aussi des cellules anti-gauchistes chargées de la lutte contre les mouvements gauchistes. Ils s'y mettent également. Dans un premier temps, on veut salir la réputation de Coluche par voie de presse, en révélant des faits mineurs provenant de son passé, comme des petits vols à l'étalage et autres manquements au code de la route. Tous ces documents des RG en temps normal confidentiel vont fuiter dans la presse. Dans un second temps, il s'agit de le déstabiliser, lui faire réellement peur. Toutes ces lettres de menaces de mort en caractère bâton venant de journaux découpés, des envois anonymes, répétitifs. Coluche, attention à la mort. Ça c'est signé honneur de la police, oui, honneur de la police. Une cellule armée qui prétend lutter contre l'extrême gauche. Il s'agit bien de dissuader Coluche de se présenter à la présidentielle. Alors, dans le pavillon de la rue Gazan, chez l'humoriste, l'ambiance se tend. La plaisanterie commence à devenir une mauvaise blague. Coluche, au contraire, se sent stimulé car il sent qu'il dérange. Mais vient l'assassinat de René Gorlin, le régisseur de Coluche, tué de deux balles dans la nuque. La nouvelle est annoncée le 27 novembre. Coluche est immédiatement convoqué à la PJ de Paris. On l'apprendra plus tard, il s'agit en fait d'un crime passionnel, mais pour l'artiste, qui ne le sait pas encore, c'est le choc. Face au journaliste, il cherche ses mots. Il a probablement été victime d'un truc crapuleux, comme d'après un journaliste là, qui m'a donné ce chiffre, il y a 1600 personnes par an qui sont victimes d'une agression en fin de mois, quoi. Ça n'a rien à voir avec votre récente candidature aux élections. Ben, j'espère que non, hein. J'espère que non, parce que si des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez, parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Dans cette ambiance devenue morose, le 16 décembre 1980, un étonnant sondage paraît dans le journal du dimanche. Il révèle que les intentions de vote pour Coluche atteignent 16%. À gauche comme à droite, on s'inquiète. François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing vont même jusqu'à envoyer leurs plus proches conseillers pour convaincre Coluche de changer d'avis. En vain. À mon avis, la leçon est beaucoup plus profitable aux gens de gauche qu'aux gens de droite. La leçon, c'est que il y a tout un tas de gens en France qui étaient prêts d'abord à voter pour eux d'habitude et qui sont prêts à voter pour moi au premier tour pour montrer qu'ils existent, tout simplement qu'ils existent. C'est quand même un drôle de problème pour le public d'être obligé de montrer aux dirigeants qu'on existe. Vous voyez pas ? Malgré le sondage événement du mois de décembre, Coluche lui-même part dans tous les sens. Il se rapproche par exemple de Gérard Nicou, leader du site du Nati, un parti poujadiste. En désaccord, Romain Goupil quitte le groupe. Et c'est vrai que le ton a changé. En fait, à 2 mois du premier tour, Coluche est pris au piège. Il n'a toujours pas les 500 signatures pour valider sa candidature qui tourne bizarrement. Il entame alors une fausse grève de la faim. Drôle de baroud d'honneur. Quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse à Strasbourg, il annonce à sa manière la fin d'aventure. Je ne veux pas de responsabilité politique. Et puis en plus, avec ma candidature, ça fait quand même 6 mois que je suis sur le coup. J'ai vu d'assez près certains représentants des partis politiques puissants pour savoir que de toute manière, on peut pas s'entendre avec ces gens-là parce qu'ils n'ont pas du tout le même but que les Français, si je peux dire. Ils veulent gagner les élections et moi, je voudrais que ce soit les Français qui gagnent les élections. Pourquoi est-ce que je me suis présenté ? Effectivement, quand je me suis présenté, je ne comptais pas du tout avoir en moyenne 8 ou 10% des voix. Je vous rappelle quand même qu'à un moment, il y en avait même qui m'avait collé 16. Mais ça, il y avait peut-être été un peu fort. Hein. Vous savez ce que c'est que des journaux, faut les vendre. Vous connaissez le problème. Alors, mais en tout cas, ce que j'ai pu savoir sur des sondages effectués par les renseignements généraux, puisque 10% de la population qui veut voter pour quelqu'un, ça représente 10% dans tous les domaines, ce qui fait qu'il y avait 10% des renseignements généraux qui me donnaient les nouvelles. J'ai pu savoir qu'au dernier sondage, j'étais encore coté aux alentours de 9%. Selon les cas de figure, comme ils disent. Dans l'état actuel de ma candidature et de la censure, je préfère que ma candidature s'arrête, parce qu'elle commence à me gonfler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Puisque si moi, ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres ? Coluche ne pourra pas aller jusqu'au bout de son délire, donc être candidat à la présidentielle. Mais au fait, candidat, pourquoi faire ? Pour accéder à l'Élysée, non, bien sûr. Pour dénigrer la politique, oui, assurément. C'est une démarche qui fédère, mais c'est pourtant par la politique que passe la démocratie, les partis, les élections. On le voit bien aujourd'hui. C'est bien parce qu'on a laissé l'économie et la finance prendre le pouvoir que nous sommes entrés dans l'ère post-politique, dans le délitement du politique et, finalement, de la démocratie. Le rejet du politique, la politique tournée en dérision, avons-nous vraiment gagné au change ? De Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Groupière, Misère. Misère, je vous le dis tout de suite, c'est le nom qu'un type a donné à son chien, parce que il est comme lui, il l'a trouvé dans la rue, si vous voulez, et que il est comme lui, alors il le comprend, parce que comme il est né dans la rue aussi, il le comprend. Je me comprends. Des fois, on a plus de contact avec un chien pauvre qu'avec un homme riche, hein. Là, dans la gueule. Ils vont prendre plein la gueule, ils s'en rendent pas compte. Tirer là-dedans, il fait chaud. De Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Groupière, Misère. Je vous le dis tout de suite, ma chanson ne passe pas à la radio, hein. Vous la verrez pas à la télévision non plus, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Mais elle s'en fout, elle a quelque chose à dire, hein. C'est pas comme les chansons qu'on voit à la radio qu'on entend à la télévision. Hein. Alors c'est même comme ça qu'on les reconnaît, celles qui peuvent penser à la télévision. Hein. C'est parce qu'elles n'ont rien à dire. Là, les longues, si je leur mets dans la gueule. Hein. Chante des conneries, des conneries, des conneries. Je m'excuse, mais merde. Je m'excuse. Hein. Alors tout ça, la chanson est une industrie parce qu'une poignée d'imbéciles a réussi à être moins con que le reste. Il y a de quoi se vanter, je vous jure. Je m'excuse, mais merde. Je m'excuse.

ça fusait un peu de toutes parts. Et puis quand il y en avait une qui sortait, qui n'était pas forcément lui d'ailleurs et qui la trouvait bonne, eh bien il la notait dans son petit dictaphone. Et comme ça, il faisait des collections, si vous voulez, en fonction des situations qu'il vivait. Donc, il y avait ses propres saillies et puis les saillies des autres qu'il récupérait et qu'il remettait dans un contexte qui était le contexte du sketch. Alors, l'homme était évidemment intelligent, évidemment. Ah oui, ça, c'est une évidence. Alors, c'est oui. évident, mais c'est bien de le rappeler. Quand, par exemple, il dit « les hommes politiques veulent gagner les élections, moi, je voudrais que ce soit les Français qui la gagnent », c'est quand même très profond, ça. Hein. Bah oui. C'est un type qui réfléchissait beaucoup. Oui, c'est-à-dire que la campagne présidentielle, il disait que c'était une farce à caractère social, mais c'est un acte politique, quoi. C'est, pour moi, c'est le, puisque j'ai un peu participé aux deux, c'est le premier pas avant, on va dire, la consécration qui va être l'invention des restaurants du cœur. Alors, il y a un lien. C'est intéressant. Expliquez-moi ce lien. Ben, c'est-à-dire que ce lien, c'est une volonté de rendre au public ce que le public lui a donné pendant des années. C'est-à-dire que c'est un homme d'abord qui a une vraie conscience, j'ai envie de dire sociale, une conscience de classe. Mmh. Donc la campagne présidentielle, c'était attaquer violemment toute cette société de l'époque dans laquelle en gros tout ce qui était minorité n'existait pas, n'avait pas droit au chapitre. Donc il y avait une sorte de France officielle et une France officieuse dont on avait l'impression dont tout le monde se foutait. Donc ça qu'il a voulu pointer. Et puis après, plus tard, après la situation était beaucoup plus grave et c'était de la bouffe quoi qu'il a donné. Mmh. Mais dans tous les cas, il s'agissait de donner quelque chose. Donc on est bien d'accord que la démarche est fondamentalement politique, en tout cas pour absolument. 81, elle est plus politique que pour faire un coup. Il n'a pas besoin d'exister, Coluche, c'est une star absolue. Bah, il y a les deux, en fait, on peut pas. C'est d'une part profiter de l'aspect élection présidentielle, mais c'est lié aussi avec le fait qu'il vient d'être viré de la radio, mais oui. Et qu'il faut bien trouver un espace pour parler en dehors du théâtre, où à l'époque on est au théâtre du gymnase tous les jours. Donc en même temps, si vous voulez, il y a une opportunité et une réalité profonde. Enfin, en fait, j'ai l'impression comme toute chose, quoi. Bien c'est sûr. La rencontre, oui. Bien sûr. Alors, Rugazan, moi j'imagine, Rugazan, qu'avec les copains, avant de se lancer dans l'aventure, il y a dû y avoir des débats animés. C'est-à-dire que s'il y a débat, certains n'étaient pas d'accord. Peut-être, comment ça s'est passé, ça? Bah, c'est-à-dire que, il y en a un qui fallait convaincre, c'était Paul Lederman. Producteur. Parce qu'il voyait, oui, le producteur. Il voyait pas ça du tout d'un bon œil, d'autant qu'au départ, Coluche ne faisait ça qu'avec le Charlie Hebdo. Donc quand Paul voyait que Coluche va être, on va dire, le seulement avec Charlie et qu'il va pas parler à tout le monde, donc ça là-dessus il a bloqué. Donc il y a eu une négociation entre eux dans lequel il y en a un qui promettait d'ouvrir à tout le monde et l'autre qui promettait de tout faire. Je me rappelle de sa phrase parce qu'elle était très forte. Je ferai tout ce que je peux pour que le public te rende intouchable. Parce qu'en fait il y avait quand même une petite crainte, si vous voulez, rentrer dans le monde politique que nous connaissions pas, même si on passait notre temps à parler politique. C'est pas la même chose que de voir comment le monde politique fonctionne. Et vous avez découvert l'âpreté du monde politique. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Parce que c'est dur. C'est un monde très dur. D'ailleurs, les femmes et les hommes politiques sont, de ce point de vue-là, des gens assez courageux parce que ils vivent dans un monde de brut. Il faut l'avouer. Oui, c'est un monde de brut dans la mesure où, effectivement, on peut dire les mots qui sont dits, les idées. Enfin, il y a une certaine violence. Oui, mais absolument. Je vais vous dire franchement, honnêtement, en tout cas moi, parce que j'ai pas envie de parler pour Coluche, je peux pas d'ailleurs, parce qu'on peut pas parler après 40 ans après la mort de quelqu'un. Moi, je m'y attendais absolument pas à ce que ça soit comme ça. Mais oui, ben voilà, comme et quoi. Je pense que lui, pense que lui s'y attendait beaucoup plus, parce qu'il avait beaucoup plus que moi de la défiance contre le monde politique. Moi, à l'époque, j'étais plutôt, j'étais un petit jeune de gauche, donc je me suis dit, tiens, on va se débrouiller grâce à ça, à faire élire Mitterrand. Alors que lui, il avait un recul, même s'il était finalement assez fasciné par Mitterrand, puisqu'après, il va se passer un certain nombre de choses, mais il avait une vision, si vous voulez, du cynisme ambiant. Que moi, j'étais peut-être aussi très jeune, que moi je ne me ressentais pas forcément. Alors justement, puisque vous parliez de Mitterrand, j'ai sous les yeux dans votre livre, à la page 47, un extrait du journal Quotidien de Paris, du 25 novembre 1980, où Coluche dit « Je suis prêt à rouler pour Mitterrand ». Alors il est plus précis que ça, il dit « Parce que s'il m'assurait, Mitterrand, qu'à cause de moi, il va pas passer, et que sans moi, il aurait une chance de passer, peut-être que je m'arrêterai. » Mais, précise-t-il, Mitterrand ne m'a pas appelé. Il avait une préférence. Il avait, entre Mitterrand et Giscard, soyons clairs et honnêtes, il avait une préférence pour Mitterrand? Clairement, oui. Bon, et puis, voilà. Et puis ce que vous venez de dire, là, finalement, ça s'est produit. C'est-à-dire qu'on va avoir un soir chez France Gall et Michel Berger une rencontre avec Jacques Attali qui, là, est envoyé, enfin, en tout cas, ouais. qui décide de son propre chef de rencontrer Coluche. Et un peu plus tard, Attali, un jour, nous verra, alors, parce qu'on est en train de pleurer pour avoir les signatures, et il dit, voilà, si vous maintenez votre candidature... Le risque que Mitterrand soit troisième est énorme, alors que là, on a un sondage secret qui nous montre qu'il peut passer. Maintenant, choisissez. Et Coluche était fou de colère. Bah oui. Finalement, bon, évidemment, il y avait la réalité, il fallait s'incliner devant. Ouais, bah, c'était quand même assez dur de la part d'Attali de dire à Coluche, si vous y allez, vous risquez de faire rater à la gauche un rendez-vous avec l'histoire. C'est dur quand même. C'est dur, mais bon, si c'est, je pense, parce que Mitterrand est en fait le seul présidentiable à l'époque, enfin présidentiable candidat, qui va faire une déclaration positive pour la candidature de Coluche. Parce que il y a une partie de la gauche qui va l'attaquer sur une suspicion de poujadisme, ce qui ne correspond en rien à Coluche, mais Mitterrand, lui, s'était démarqué de ça. Il avait fait une déclaration, je me souviens plus, en gros, c'était Coluche a le droit de se présenter comme tous les citoyens français, quoi. Jean-Michel Wagelsi, il y a un tournant, évidemment, dans cette histoire. C'est la mort de René Dorlin, régisseur de Coluche, abattu de 2 balles dans la nuque. Vous écrivez « La découverte de son corps est un coup très dur. Je suis pris entre la tristesse de la perte d'un ami et la peur d'être le prochain sur la liste. » C'était ça l'ambiance ? Bah oui. Eh ben, dis donc. Pour vous dire, non, Coluche avait moi je reconnais, j'avais très peur. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, pendant un petit moment, quand je partais de chez Coluche la nuit à 2-3 heures du matin, j'avais toujours un copain qui m'accompagnait. Et je m'étais dit dans ma tête, bon, je peux pas empêcher de me faire avoir, mais au moins il y aura un témoin. C'était l'angoisse, c'était qu'il n'y ait pas de témoin. Vous voyez, pour vous dire à quel point effectivement c'était assez. C'était fort, mais on saura seulement un an plus tard que l'affaire, que le meurtre de René n'avait rien à voir avec la campagne. C'était passionnel. Et on saura également un an plus tard qu'il y a eu un ordre au niveau du ministre de l'Intérieur de ne pas faire l'enquête pour laisser subsister le doute. Ça, c'est un policier qui me le dira pendant l'enquête, quoi. Après un an plus tard. Concernant Attali, dont on vient de parler, il est venu plusieurs fois voir Coluche, il était insistant, comment il est-il ? Parce qu'était-il, ils se sont pris d'amitié, je me souviens, lors de l'enterrement de Coluche, des pleurs, il n'était pas fin, hein, il était vraiment sincère d'Attali. Il y a eu un rapport amical comme ça qui s'est créé ? Ah oui, il y a eu un rapport amical. Cette première rencontre, ce dîner, chez France Gall et Michel Berger, ça a très mal commencé, parce que Attali commence le dîner en disant « Écoutez, monsieur Coluche, tout ce que vous voulez pour la France est dans le programme de François Mitterrand. » Et Coluche le regarde et lui dit « Menteur ». Bon, évidemment, ça commence mal. Alors à ce moment-là, c'est Michel Berger qui va un tout petit peu faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et de faire en sorte qu'il y ait, si vous voulez, une porte de sortie honorable. Mais finalement, ce dîner, il va durer jusqu'à 4 heures du matin. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression, puis après on l'a revu plusieurs fois, Jacques Attali, qui a eu une vraie amitié qui s'est construite entre les deux hommes. Je pense que pour Attali, qui est un homme qui a eu tous les diplômes du monde, de voir une sorte de génie pur qui, comme il disait lui-même, n'a pas senti certificat d'études, je pense qu'il y avait une fascination réciproque. Jean-Michel Wagelsi, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté, si vous voulez bien, The Specials qui chante Vote for Me. drunk on money and power inside your ivory tower, teaching us not to be smart, making laws that serve to protect you, but we will never forget that you tore our families apart. Jean-Michel Vagelsi, sur le principe selon lequel les plaisanteries les meilleures sont les plus courtes, parfois, donc vous décidez, enfin le groupe décide d'arrêter cette candidature, est-ce que ça casse un peu le groupe en deux, entre ceux qui voudraient continuer, puis ceux qui veulent pas, et Coluche fait partie de quelle tendance finalement? Ben, si vous voulez, il y a deux cassures. Il y a la première cassure que vous avez soulignée avec Goupil et Najman, au moment où il va y avoir cette rencontre avec les gens du Sidunati. En fait, c'était pas un hasard. C'était parce que Coluche considérait qu'un mouvement de petits commerçants, c'était aussi des gens qui étaient exploités et qui, d'ailleurs, on le voit en ce moment dans les crises, qui avaient toutes les raisons de se rallier à sa candidature. Il n'y avait pas de marque de poujadisme. Et puis, il va y avoir une autre cassure un peu plus tard, c'est qu'il va quand même tomber, mine de rien, cette censure très violente à partir du début décembre, ça va l'atteindre très très fortement. En plus, si vous rajoutez à ça qu'à l'époque, son couple est en train de se déliter, il y a un moment où il va tomber bas. Le moment où nous, on constate, je me souviens, c'est un soir, on est en train de jouer au billard, et tout d'un coup, il dit « Bon, si j'ai pas le droit de parler, et si on faisait un faux attentat ?» Et à ce moment-là, on le regarde, on dit « Mais attends, tu vas où là ?» Et là, on se commence à se dire, si vous voulez, toute l'équipe, enfin, on n'était pas beaucoup, en fait, il y avait Paul Lederman, Coluche et moi, qu'il y a un problème. Et il se passe quelques jours, et puis Paul prend la décision de dire à Coluche, écoute, stop, on va faire... Bon, d'abord, Coluche fait une lettre dans laquelle il explique qu'il en a marre, et Paul prend la décision de l'hospitaliser dans une clinique. Alors, il n'est pas malade, mais il est quand même bien déprimé. Alors, cette aventure est terminée, on avance, c'est le cas de le dire, et il y a cette autre aventure énorme qui vraiment va inscrire Coluche dans ces Français qui ont fait des choses, qui ont inventé quelque chose, c'est les Restos du Cœur. Quelle était la genèse des Restos du Cœur? Comment est venue l'idée? Comment vous en avez... On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais dans le détail, comment ça s'est construit, ça? Bon, alors, l'idée, c'est simple. On est au moment fin 84, début 85. Il fait un froid à Paris, il fait un froid de canard. Et on est un jour tous les deux en train, à 5h du soir, là, en train de prendre un petit chocolat avec des tartines. Enfin, on aimait bien goûter. Et il me dit, regarde, ces gens qu'on voit qui aujourd'hui ont plus de quoi bouffer. Parce qu'en fait, il a eu la prescience, si vous voulez, de cette crise dans laquelle il y a eu plein de gens qui étaient avant insérés, qui avaient avant un travail et qui se retrouvaient complètement sur le carreau. Parce qu'en fait, c'était les premiers effets de la globalisation économique, quoi, dans lequel Nathalie, il quittait la France et il allait dans les pays d'Asie. Et il y a plein de gens qui se sont trouvés, voilà, ce qu'on appelait à l'époque les nouveaux pauvres. Et là, il est là, il me dit, écoute, c'est pas supportable. Regarde, aujourd'hui, je paye mon tiers provisionnel, les 3 millions de francs, c'est pas possible. Ça serait bien si tous les mecs qui, comme moi, avaient du blé s'y mettaient, on pourrait régler le problème. Il me dit, à peu près quoi, ça touche à peu près quoi, 200 000 personnes. Alors il demande à sa cuisinière, ça coûterait combien quoi, un repas à votre avis? Elle dit à peu près 15 francs. Alors il me dit 15 francs, il me dit c'est possible. À ce moment-là, il se met à dessiner sur un papier. Il me dit regarde, ça pourrait être un plateau, ça ressemble un peu à un plateau d'avion. Alors il me dit bah là il y a les légumes, il y a ci, là, le dessert, là il y a le fromage, etc. Il me dit ah oh, ça serait bien. Puis il me dit renseigne-toi là-dessus. Et alors moi je lui dis mais t'es sûr? Il me dit oui, il insiste un peu vertement, fortement. J'ai dit d'accord. Donc dès le lendemain, je commence à donner des coups de téléphone à droite à gauche, mais je me fais jeter parce que c'est l'époque où il est dans le trou, si vous voulez. Oui. C'est l'époque où il sort d'une addiction assez forte qu'il a eue aux drogues dures. Il est en train d'en sortir. Il est dans le cinéma et il est plus tellement dans les médias. Et j'appelle à droite à gauche et je me fais un petit peu envoyer balader. Et on n'en parle plus. Sauf que 9 mois plus tard. C'est le moment où on revient d'un record du monde de moto qui m'a demandé d'organiser dans le sud de l'Italie. Moi, je reviens parce que j'avais les motos dans le camion, donc je reviens à Europe 1 parce qu'à l'époque on était Europe 1 avec le camion. Mmh. Et il me dit bon, écoute, signe là. Et je regarde, c'est des statues. J'ai dit mais c'est quoi, c'est le truc de bouffe dont tu m'as parlé? Ouais, signe là. Et voilà, et je signe pour devenir secrétaire général d'un truc. Voilà. Et je précise que les statues, on les avait copiées sur ceux d'une boîte de nuit. Parce qu'on savait pas ce que c'est créer une association. Bon, moi j'allais dire, ça ressemble beaucoup à Hiver 54, à Abbé Pierre, votre affaire, mais bon, boîte de nuit. Mais c'est un peu plus boîte de nuit que l'Abbé Pierre. D'accord. La préface de votre livre a été écrite par Coluche en prévision d'un livre qui sortirait un jour. Alors, oui. Il vous cite et écrit, alors je lis, j'atteste, donc c'est Coluche qui écrit, hein. D'ailleurs c'est son écriture qu'on voit sur les deux pages. Ah oui, ça c'est son écriture, oui. Et, il écrit, j'atteste ici que Monsieur Wagesli. Oh, je suis désolé, hein, c'est un nom francisé à la Libération, c'est compliqué. Bon, Wagesli, bah non, pas tant que ça. Je me suis trompé qu'une fois. Si Wagesli a bien été mon compagnon durant les événements qui vous sont ici relatés et qu'il a bien tout vu ce qu'il dit, qu'il a tout vu et qu'il a été très gentil. Et il signe Coluche, défait à Paris. Signé Coluche, alors, qu'avoue-vous? Mais avant, il avait dit que j'étais un menteur, quand même, dans la lettre, hein. Vous avez vu? Oui. Bon, mais moi, j'ai retenu le reste. Qu'est-ce qui restait secret dans tout ça? Parce qu'il dit, il a tout vu, il racontera tout un jour, Wagesli. Il y a des choses secrètes que vous n'aviez jamais racontées dans ce livre? Si vous voulez, les seules limites que je me suis données, c'est ce qui concerne la vie privée. Parce que je considère D'accord. que ça, on n'a pas Alors. À le raconter. Mais tout ce qui est, on va dire, qui concerne l'histoire, qui concerne notre histoire commune, je me suis pas retenu. J'ai tout raconté, bien sûr. Et je rappelle que les années Coluche, c'est un bout des années Mitterrand, mais c'est aussi beaucoup même les années Giscard. Oh, juste un mot. Giscard Noriel. C'est une belle relation, oui. C'était quoi la relation entre Coluche et Giscard? C'est-à-dire que, quelques mois après la présidentielle, ouais. Coluche est en train de tourner La femme de mon pote, je me souviens, à Courchevel. Mmh. Et il y a un policier qui vient le voir en disant « Le président Giscard d'Estaing vous attend chez lui pour le thé ». Alors, j'y étais pas, hein, je vous raconte ce que lui m'a raconté. Donc, On va aller assez vite, pardon, parce que c'est la fin de l'émission. Excusez-moi. Oui, donc, il arrive chez Giscard d'Estaing. Première question que lui dit le président Giscard d'Estaing, « Pourquoi vous m'en voulez ?» Et Coluche est complètement déstabilisé parce que lui, il en voulait une institution, un pouvoir, mais ouais. pas un être humain. Mmh. Et il va avoir un être humain. Et à partir de là, il va y avoir entre les deux hommes une relation très très forte. Et d'ailleurs, je tiens à très vite le dire, Giscard d'Estaing nous a aidés dans la création des Restaurants du Cœur. Voilà ce qui était secret, enfin pas connu en tout cas, qui est intéressant. Merci infiniment, on aurait bien continué à discuter de tout cela. Merci beaucoup. Jean-Michel Wagesli. Voilà, mais l'heure c'est l'heure. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la candidature de Coluche à la présidentielle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Adèle Caglard.